Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport en parlant maintenant des Jeux du Québec qui se déroulent à Alma. La région a très très bien fait hier. Ils ont remporté 5 médailles, dont 2 médailles d'or. Chez les moins de 42 kilos, Olivier Gagnon a signé une médaille d'or contre un gars de l'Outaouais. Et chez les moins de 46 kilos également, notez que Simon Paquette a triomphé. Médaille d'argent pour Noémie Potvin. Chez les moins de 48 kilos. Chez les moins de 50 kilos, Félix Côté, médaille de bronze. Amélie Grenier, chez les moins de 52 kilos, a remporté également la médaille de bronze. Elle a battu une athlète de l'Outaouais. Jusqu'à maintenant, la région a 21 médailles, soit 9 d'or, 9 d'argent et 3 de bronze. On sait que depuis environ un mois, Pierre-Alexandre Bédard est en Floride. Il a déjà disputé deux tournois jusqu'à maintenant. Et ce matin, on lui a parlé sur les ondes de danradiosport.com et il explique comment ça va super bien pour le golfeur de Chibougamau. On va écouter là-dessus Pierre-Alexandre Bédard. Ça va très bien. En fait, je m'entraîne beaucoup. Moi et mon coloc Maxime Gilbert, joueur du Mackenzie Tour, on s'entraîne pas mal. On essaie de jouer le plus possible aussi. Je touche au golf et à mes bâtons à tous les jours. Ouais. Donc, j'essaie d'améliorer ma game le plus possible, en fait. Et dans un deuxième temps, Pierre-Alexandre Bédard mentionne que la compétition est très, très féroce là-bas, en Floride. Comme premier tournoi, c'était la pré-qualification pour le Honda ouais. Classic, un tournoi de la PGA. Malheureusement, je me suis pas classé, mais j'ai quand même pris la belle expérience là-bas. C'est sûr qu'il y avait certains bons joueurs, mais le niveau de calibre, en fait, était relativement correct. J'étais à ma place là-bas, puis j'avais une chance de me qualifier. Du côté de mon deuxième tournoi, en fait, c'était un tournoi en équipe de deux, sur deux jours. Puis là, vraiment, le calibre était très fort. Il y avait autour d'une quarantaine de joueurs du web.com qui étaient là, plus environ là, deux, trois joueurs réguliers du PGA Tour qui étaient là cette semaine-là. Donc, Rob Oppenheim, justement, qui venait de faire un top 10 à Pebble Beach deux semaines avant. Donc, c'est sûr que le calibre était fort, mais c'est bon pour moi, en fait. Là, ça me permet de pratiquer mon golf avec des bons golfeurs, puis de tester mon jeu, en fait, puis de savoir où je suis rendu un petit peu. Parlons maintenant de hockey dans la Ligue Simple Lettre. Il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues. À noter que, donc, dans le novice, Mastouillach a défait Normandin 8-1. Dans la novice B, Verdugno 2-1 entre les Sabres de Roberval et les Loups de Boumsesny. Et les Sénateurs de Saint-Félicien 2 et les Sabres de Roberval se sont livrés en Verdugno de 2-2. Et dans le Pee-Wee, les Hurricanes de Mastouillach ont défait les Sabres de Roberval 5-0. Alex Bussière de Dolbeau-Mistassini était en compétition la semaine dernière dans la région de Québec. Bussière a réussi quand même un bon temps, 2 minutes 28 au 1000 mètres lors d'une compétition. Donc il a remporté la victoire lors de cette compétition qui se déroulait à Sainte-Foy. Et je termine avec Catherine Saint-Gelais qui a débuté son processus de CrossFit. Si elle se qualifie, elle pourrait participer à une compétition d'envergure au mois d'avril. On lui a parlé ce matin et elle explique un peu que ça a débuté à compter de la semaine dernière. Peu tôt pour dire ça va comment. On a seulement un training de fait, là, donc j'ai dû passer okay. Le premier entraînement pour nous est sorti. Là, donc mon équipe et moi, on s'en est super bien sortis en fait. Là. Donc le prochain sort ce soir. Puis nous, on effectue toujours les entraînements les vendredis matin à mon gym à Montréal. Là, donc demain, on en aura déjà deux de complétés sur les cinq. Sauf que là, j'ai pas vérifié ce matin, là, mais hier soir, mon équipe à moi, là, qui s'appelle The Flying V du Gym Le Vestiaire, on s'était classé cinquième là, sur aucune idée combien d'équipes d'inscrits dans notre région Canada East, là, okay. Mais on était cinquième, là, puis pour la suite, ils prennent les top 15. Donc je pense que pour l'instant, ça va bien. Là. Maintenant, je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Marc Fortier et Stéphane Lebeau. C'était la date limite des échanges dans le hockey. Également, vous pouvez écouter d'autres entrevues que j'ai faites dans la section entrevue de danradiosport.com. Sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.